Section 8 de L'élève Gilles d'André Lafon. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Troisième partie, suite. Peu de temps après, je fus surpris pendant une récréation de 4 heures d'être appelé au dortoir et d'y trouver ma mère. Elle m'enveloppa de ses bras. Mon père était de nouveau souffrant et l'on avait pensé que la campagne lui serait favorable. Il se trouvait à la grangère où je devais le voir dès le jour suivant, qui était un dimanche. Ma mère me pria de ne point amener de camarades en me représentant combien un malade avait besoin de quiétude et me recommanda à ce propos de me montrer raisonnable, afin que mon père retrouvât avec bonheur un enfant tout à fait sage. Je demeurai toute la soirée préoccupé de l'idée de revoir mon père, et, dans la crainte de ne pas lui manifester assez de joie, je cherchais le souvenir de toutes les bontés dont il avait comblé ma petite enfance. Je me rappelais la constante exubérance de son affection, son empressement à satisfaire tous mes désirs, qui me l'avaient fait d'abord préférer à ma mère. Son essai de m'enseigner le piano en dépit de mon inhabileté et de l'impatience que lui donnait cette timidité dont je ne me pouvais départir en sa présence et que doublait le sentiment de ma maladresse. Je me jurais d'être naturel et qu'il n'aurait pas lieu de me reprendre en quoi que ce fût. Je me tourmentais si bien dans le temps que la voiture mit à me conduire du collège à la maison que, malgré l'accueil affectueux de mon père, je ne pus trouver mes mots tant que je fus devant lui. Mes yeux se baissaient malgré moi, ma pensée demeurait incertaine, et je souffrais cruellement de ne rien pouvoir lui exprimer de ma tendresse. Par bonheur, au cours de cette entrevue, et ensuite, pendant le repas, ma mère se répandit en explications sur mon travail et sur ma conduite dont le directeur l'avait la veille entretenue. J'achevai l'après-midi au jardin dans le plus grand ennui de ma sottise et le vif désir de la réparer au plus tôt. J'entendis mon père qui tentait d'accorder le piano demeuré comme les autres meubles dans la chambre de cette jeune cousine morte dont j'avais quelquefois ouï parler. Il dut y renoncer et sortit. Il ne parut pas au dîner et je partis sans le revoir car il me fallut regagner le soir même le collège. Ma chambre était nécessaire à mes parents et l'on n'avait pas eu le temps de préparer celle qui, dans l'autre aile, allait devenir la mienne. Ma tante me promit toutefois qu'elle serait prête pour le prochain congé. J'y devais loger au-dessous de la mansarde de seconde et mes fenêtres ouvriraient sur le jardin. Les dimanches suivants, je pus en effet demeurer la journée entière à la grangère et ne repartir que le lendemain. Mon père se trouvait mieux et, pensant prolonger son séjour, il avait fait apporter son piano qu'on avait installé au salon et dont il jouait la journée entière. Je ne le voyais qu'au repas, mais je m'habituais de mieux en mieux à sa présence à mesure qu'il semblait ignorer la mienne. Je me plaisais à l'écouter jouer dans le calme de l'après-midi finissante. Les accords peuplaient les ombrages. J'assistais à d'imaginaires danses, à des défilés funèbres ou guerriers. Le piano parfois se taisait. Ma mère devait interrompre mon père pour lui porter quelques breuvages, causer avec lui, lui conseiller le repos. Le concert reprenait après dîner et durait assez tard pour que je pusse m'endormir en musique, dans ma chambre, située précisément au-dessus du salon. Je luttais autant que possible, toutefois, contre un sommeil trop prompt, surtout quand il arrivait que ma mère chantât, car j'avais plaisir à retrouver sa voix et les lieds dans lesquels mon père aimait l'accompagner. Pour ne les avoir jamais entendus que de loin, j'en ignorais les paroles, mais la musique suffisait à me les rendre intelligibles, et leurs appels tendres, leurs mystérieuses implorations, excitaient en moi les plus hauts sentiments. Je me laissais aller à ouvrir la fenêtre au risque d'être surpris et grondé, parce que mon plaisir était plus vif de les entendre dans le décor nocturne des feuillages. Les branches semblaient vibrer comme moi-même, et leurs feuilles, légèrement remuées de vent frais, ajoutaient au chant leur bruissement harmonieux. Je ne pouvais penser à autre chose au long des classes du lendemain, et Bérang, qui, dès le samedi, me voyait dans l'attente fiévreuse du dimanche, m'accablait au retour de questions sur la grangère et la façon dont je m'y divertissais. Il y eut un jour où je me réfugiais, au cours d'une récréation, dans une classe qu'éclairait une baie à vitres dépolies sur lesquelles je me faisais un jeu de suivre l'ombre projetée par les élèves qui passaient. J'y voyais leurs vivantes caricatures, et la silhouette de certains camarades évoquait précisément l'animal auquel je les eusse en secret comparés. Il en vint deux qui stationnèrent, et que je reconnus être Bereng et Courtot. Leurs voix, qui d'autre part me les désignèrent, me parvenaient très nettement. Je ne fus pas longtemps à comprendre qu'ils s'entretenaient de moi. Bereng expliquait à Courtot comment, d'après ce que je lui avais dit, une indisposition de ma tante empêchait que je remplisse ma promesse de le faire sortir un dimanche. Mais Courtot se montrait sceptique. Il tenait d'un externe la nouvelle que mes parents séjournaient à la grangère. Et Bereng s'étonnait que je ne lui en eusse pas fait part. « Il ne te fera jamais venir tant qu'ils y seront, » fit Courtot. Comme Bereng le questionnait, « Ce n'est pas sa tante, » reprit-il, « qui est malade, c'est son père. » Et Bereng, l'ayant interrogé de nouveau, Courtot ne répondit pas tout de suite, mais je vis l'ombre de sa main se porter vers l'ombre de son front, et je compris qu'il se penchait pour parler bas. Monsieur Lorrain n'avait pas cru devoir se présenter à l'examen de licence. Il ne travaillait plus guère, devenait irritable, et Fortin, qui recommençait à se mal tenir, le lassait. Il arriva à cet élève de prononcer à mi-voix un mot très grossier. C'est pourquoi M. Lorrain l'appela à la chaire. Fortin jura n'avoir rien dit et feignit ignorer de quelle faute on le voulait coupable. Le directeur, saisi de ce nouveau méfait, le condamna à rester au lit jusqu'à ce que la mémoire lui revînt et qu'il se fût excusé de son insolence. L'étude compta les jours, Fortin en laissa passer trois et s'exécuta enfin avec tant de coléreuse fierté que l'expulsion dut lui être annoncée pour la prochaine incartade. Il ne tarda pas à se dissiper de nouveau et retourna sur le champ dans sa famille. L'étude en recouvra la tranquillité, mais les moyens s'agitaient. Leur maître, qui en avait momentanément triomphé par des punitions répétées, n'en était que plus haï. Les initiales P.B. dont il signait les cahiers de correspondance lui avaient valu le surnom de Pelle-Bêche. Et le tableau s'illustrait chaque jour du dessin de cet instrument aratoire que l'on en vint, pour plus de commodité, à schématiser et à reproduire partout. Les sanctions s'usaient d'être trop souvent appliquées et le zéro de conduite n'avait plus que peu d'effet. Videux menait lutte ouverte et toute sa division le suivait. Il y eut une large huée un matin à l'entrée de leur maître dans la cour. Une retenue générale fit se déclarer trois coupables. Mais leur chef n'était pas parmi eux et continuait d'organiser le désordre. Il commit enfin une faute qui le perdit. Ce fut d'adresser à l'un de ses lieutenants un billet circonstancié au sujet d'un chahut préparé pour la nuit suivante. Le billet, égaré, vint aux mains du directeur qui en isola l'auteur et fit décréter son renvoi au conseil de discipline. Mais l'étude donna encore bien du mal à son maître qui ne réussit pas à se faire adopter. D'ailleurs, comme à l'approche de Pâques, chacun s'énervait dans l'attente d'une délivrance prochaine, la crainte des semonces ou du pensum s'atténuait et je constatais en moi-même une propension surprenante à me divertir. Bereng avait cessé de prendre à son compte les excentricités qu'il continuait de me narrer. Il s'était décidé, pour s'assurer mon intérêt, à créer un héros auquel il les attribuait toutes. Il l'appela Rémi et lui fit connaître, pour mon plaisir, tous les avatars et de rares disgrâces. Il préparait son récit durant la classe et l'agrémentait ensuite à mesure qu'il me le rapportait. Au cours d'une leçon, l'inspiration lui venait parfois de façon que nous fussions sortis pour m'en donner connaissance par signe. Et c'était entre nous une télégraphie à quoi les autres ne comprenaient rien. Un après-midi de chaleur excessive, le professeur d'histoire, nous sentant distraits, fit lire à haute voix quelques anecdotes. L'une d'elles me frappa, qui relatait l'aventure du roi Charles VI dans la forêt du Mans. La porte ouverte sur la cour laissait voir les feuillages ensoleillés sous lesquels palpitait une ombre dense. Les oiseaux se taisaient, mais les cigales ne cessaient pas de faire entendre leurs crissements. Daunis, à mon côté, les yeux lourds, se laissait glisser entre le banc et la table. Ses cheveux lui couvraient à demi l'oreille. J'imaginais, d'après son profil, les pages de la suite royale, et je voyais Charles VI s'avancer pesamment. Soudain, l'homme demi-nu s'élançait d'entre les branches. « Arrête, noble sire, tu es trahi !» La chevauchée ininterrompue reprenait, dans la torpeur d'un jour semblable sans doute à celui qui nous accablait, puis c'était l'éclair du soleil sur un casque, le cri du roi et sa ruée sur les chevaliers français. Une étrange impression me restait de cette lecture, et j'en rêvais au lieu d'écouter la suivante, quand Bereng se retourna et me montra son visage illuminé d'un rire qu'il s'efforçait en vain avec la main d'enfermer dans sa bouche. Je m'égayais déjà de le voir en cet état et me préparais à recueillir quelques fantaisies nouvelles, mais il lui était impossible de me la communiquer tant il s'en trouvait agité. Enfin, il saisit son atlas recouvert de papier sombre, y traça en hâte ce qu'il voulait me faire savoir et tourna l'écriteau de mon côté. J'y lus « Rémi va devenir fou ». Je ne sais si ce fut l'imprévu de la catastrophe ou la mine effarée de nos voisins nous regardant alternativement, mais le rire me prit si bien que je ne pus le cacher au professeur qui m'appela. Je ne recouvrais mon sérieux qu'à m'entendre demander de rapporter ce que l'on venait de lire. Mon angoisse se traduisit par le regard dont je parcourus la classe. Mon malheur voulut que mes yeux rencontrassent les yeux de Bereng. Subitement, une nouvelle crise me tordit, si violente, que je dus m'appuyer au mur, le front sur mon bras replié. Le professeur se leva et me découvrit le visage. Je n'étais plus capable d'arrêter mes éclats. Les larmes coulaient de mes yeux et mes mains se portèrent à ma gorge où il me semblait que l'air ne passait plus. Le maître m'attira contre lui et demanda de l'eau, dont il baigna mes tempes. La classe était pleine d'étonnement. La cloche qui sonnait la sortie parut à peine l'émouvoir. Mes camarades s'éloignèrent enfin sur l'ordre du maître et je fus autorisé à demeurer jusqu'à ce que j'eusse recouvré mon calme. Jour à jour, juillet s'achevait. On recommençait de compter les heures, les minutes, les secondes. Et le travail général se ralentissait de plus en plus jusqu'à ne consister pendant les classes qu'en lectures et récits que les professeurs nous faisaient. Bien des externes avaient cessé de venir. Les autres apportaient des flacons de formes variées et pleins de boissons colorées dont ils prétendaient se rafraîchir. La chaleur de leurs mains et le soin qu'ils prenaient d'agiter sans cesse ces liquides en faisaient quelque chose de trouble et de mousseux. J'en vins assez vite à préférer l'eau de la fontaine. La répartition des prix nous procurait l'objet de discussions quotidiennes. J'espérais quelque chose en français, où j'avais été souvent deuxième, avec peut-être un accessite d'histoire et géographie et un autre de grammaire. On attribuait l'excellence à Mouk. Terouet comptait sur le prix de thème, mais nous eûmes bientôt un plus pressant sujet de nous émouvoir. Le directeur vint annoncer en étude que les deux divisions se réuniraient séparément le lendemain soir pour désigner chacune par leur suffrage un lauréat au prix de camaraderie. Rupert sembla tout indiqué chez nous et son triomphe apparut certain. Bereng seul y mit opposition. Je n'avais jamais fait part à celui-ci de mon admiration pour notre camarade, mais il l'avait senti à me voir m'arrêter afin de le regarder courir, jeter la balle ou bondir légèrement. Bereng m'attaquait à ce sujet et s'efforçait à détruire mon estime pour celui qu'il appelait le rat des champs. Il le dépréciait en raillant sa lenteur à l'étude et faisait de la force, de l'adresse au jeu, une compensation mesquine et presque la preuve de l'infériorité intellectuelle. Il affectait, en passant près de Rupert, de déclamer quelques vers de la fable à laquelle il avait emprunté le surnom qu'il lui donnait. Rupert, qui s'en souciait peu, se contentait de l'effrayer en paraissant le viser avec la balle. Bereng s'entourait aussitôt la tête de ses bras et levait une jambe. Puis, rien ne venant, il se risquait à se découvrir et c'était à ce moment-là que Rupert attendait pour tirer. Bereng repoussa de tout son pouvoir le choix que l'on avait fait pour l'attribution du prix de camaraderie, et cela devant le candidat lui-même, contre lequel il entreprit un discours tendant à prouver l'erreur qu'il y aurait à couronner la force. Il proposait Daunis, mais la cour ne le suivait pas. Mais Jean, Courtaud, Terouet parcouraient les groupes en faveur de Rupert. Le dernier, moins par amitié pour le candidat que par esprit de contradiction envers Bereng. Le grand Charlot promettait des coups à son frère si le petit n'usait pas de sa voix comme il convenait. Daunis laissait faire et ne s'assurait même pas un partisan. Bereng, las de combattre, revenait vers moi qui me laissait presque persuadé. Le moment vint vite où la décision dut être prise. Mais Jean et Terouet avaient préparé des bulletins au nom de Rupert, Courtaud les aidait dans leur distribution, Bereng, qui s'y était pris trop tard, tâchait de placer utilement ce qu'il avait pu faire pour Daunis. J'en reçus des deux sortes, mais promis à Bereng de ne me servir que du sien. Nous fûmes rassemblés, après le dîner, dans la salle de physique. Monsieur Lorrain aidé du surveillant général, recueillit les votes et procéda au dépouillement. Il n'y eut que deux bulletins au nom de Daunis, celui de Bereng et celui de l'intéressé. Un troisième portait « Je vote blanc », tous les autres désignés Rupert. Ma voix aussi lui était allée, je ne pensais pas que son rival serait si dépourvu. Bereng me regarda avec colère, jeta en sortant une phrase où je distinguai le mot « trahison » et s'éloigna en emmenant son candidat malheureux. Il affecta de se tenir à distance, tandis que la cour portait Rupert en triomphe et l'acclamait. Je comprenais ma faute sans en éprouver de remords. Je ne croyais pas que Daunis fût indigne, mais le succès de Rupert me touchait mieux. Le vainqueur, cependant, ne paraissait point croire qu'il m'en dût quelque chose, et tout son groupe m'ignorait. Je tentais de m'y mêler, mais j'en fus chassé comme ennemi. Je me trouvais seul. À l'écart, Bereng gesticulait devant Daunis, Ravet, les mains dans les poches, fouillait du pied le gravier de la cour. Gernon poursuivait Florent qui riait, Charlot sifflotait, les yeux vagues. À leur tour, les grands sortirent de la salle où ils nous avaient succédé et proclamèrent une victoire difficilement remportée. La cloche sonna pour le coucher, je laissai passer tous les autres et montai derrière eux, le cœur gros, les pieds lourds. La dernière semaine commençait. Les entrepreneurs étaient venus reconnaître sous les arbres la place de l'estrade où les prix devaient nous être officiellement décernés. Les cigales ne cessaient plus de vibrer. Mes journées se passaient solitaires. Bereng continuait à me dédaigner. Il se promenait maintenant avec Daunis et lui narrait ses histoires. Lorsque nous nous rencontrions, il affectait d'adresser tout haut à son compagnon des avis en vers tirés de La Fontaine. Je ne les saisissais pas toujours très bien, mais les mots retenus me guidaient pour en retrouver le texte dans le livre de lecture où Bereng se fournissait. Il emprunta ce quatrain, entre autres, à la fable, le villageois et le serpent. Il est bon d'être charitable, mais envers qui? C'est là le point. Quant aux ingrats, il n'en est point qui ne meure enfin misérable. J'appelais les vacances. Elles m'apparaissaient comme un portique ouvert sur de lumineuses prairies, tout au bout du couloir sombre où je devais me traîner encore quelques jours. Tout mon cœur tendait vers elles, et j'aurais voulu dormir jusqu'à leur premier jour. Je sentais autour de moi une suspicion constante, une sourde hostilité que je ne m'expliquais pas. On cessait de parler à mon approche, et quand je passais, des regards me désignaient. Les récréations surtout me lassaient. J'en étais venu à m'asseoir au seuil d'une classe, à regarder errer les autres dans la poussière qu'ils soulevaient, Houchoir, une à une, quelques feuilles déjà grillées, Charlot allait et venait devant moi, avec une apparente indifférence, mais je ne pouvais croire qu'il erra sans dessein de mon côté. Bientôt, je le vis s'approcher, tenant un objet qu'il examinait. Il leva sur moi des yeux timides et me demanda si je n'avais pas perdu un couteau. En même temps, il me montrait celui qu'il portait, qui était de corne blonde, avec un anneau. Je n'en avais jamais possédé de semblable. Charlot resta près de moi, nous causâmes comme si rien ne s'était passé. Il apportait seulement à s'exprimer un peu moins d'abandon que d'habitude, et moi, je me sentais plus triste de ce qu'il fût venu. Il me tendit la main à la rentrée, et son sourire était tel que j'en eus presque des larmes. Nous continuâmes, ces derniers jours, de nous retrouver ainsi. De plus en plus, la solitude se faisait autour de nous. Des hommes clouaient à grands coups les solives de l'estrade. Nous ne travaillions guère que le matin, le reste de la journée se partageait entre l'étude et la cour où personne ne jouait plus. Un jour, je m'endormis sur ma table et je rêvais être libre. Lorsque je me réveillais, la voix du maître, qui réprimandait un élève, me parut frapper mes oreilles pour la première fois. Ma bouche était amère et mon front était lourd. Des insectes bourdonnaient et le soleil semait des taches rondes sous les arbres. La chatte aveugle traversait la cour. Je repris la vie comme un fardeau. La cloche sonnait la sortie, j'eusse préféré demeurer tant mes membres se refusaient à toute fatigue. J'allais m'étendre au pied d'un arbre où Charlot ne tarda pas à venir me rejoindre. Nos camarades, en groupe devant la chapelle, paraissaient discuter un jeu nouveau. Nous les vîmes se lier tous par la main en une longue chaîne que Rupert en tête commença de dérouler. Il la fit lentement serpenter entre les arbres, évoluer autour de nous, l'animant d'un mouvement de plus en plus rapide à mesure que sa course se précipitait. En passant près de notre arbre, le dernier, qui était Méjean, saisit Charlot par le bras et l'entraîna. Rupert imprima aussitôt à la chaîne un mouvement giratoire tel que Charlot, placé à l'extrémité et ne suffisant pas à multiplier les enjambées, fut lancé comme une balle de fronde dans la poussière de la cour. Il se releva en pleurs et gagna, tout boitant, une classe vers laquelle je me précipitais quand je compris qu'on me réservait un sort semblable. Je me mis à courir pour éviter la poursuite de mes gens qui, fort heureusement, retardés par ceux qu'ils tiraient à sa suite, ne réussit pas à m'atteindre. La chaîne changea de tactique et parut vouloir se refermer sur moi. Elle barrait la cour entière. Où que je fuis, elle menaçait de ses 100 têtes. Le maître des grands, se promenant dans l'allée, veillait seul aux deux cours. J'aurais vainement appelé à l'aide. Je tentais d'échapper encore, mais chacun des vivants anneaux tendait vers moi. Et bientôt, je fus entouré, pressé, bourré par les genoux qui se levaient pour frapper, à défaut des mains liées. Des pieds foulèrent les miens, des faces hurlantes me couvrirent de crachats et d'injures. L'une d'elles cria « Fils de fou !» Je frappai, à droite, à gauche, des pieds et des poings, la tête baissée, je frappai. Une sorte de rage m'avait saisi. Je ne sentais plus les coups reçus, j'en donnais. Il me semblait que l'ennemi n'avait qu'un visage, celui de Rupert ou de Bereng, que je massacrais sur tous les autres. Mais le nombre m'écrasait. La chaîne rompue, les mains libérées m'atteignaient de toutes parts et me forcèrent de reculer. Je me trouvai soudain adossé à la porte du vestibule, elle céda. Je roulai dans le couloir. En me relevant, je vis au fond la grande porte, entr'ouverte. J'y courus et m'élançai. La rue, qui m'apparut déserte au soleil de 4 heures, n'arrêta pas mon élan. Elle menait à la campagne. Je la suivis d'un pas précipité. Mes oreilles tintaient encore des injures reçues. Mes joues brûlaient. Mes mains gonflées étaient rouges. J'étais nu-tête. La peur d'être rejoint me fit hâter la marche. Je m'orientai vers la grangère, seul refuge qui me resta, et sans rien sentir de l'ardeur de la journée, je me pris bientôt à courir. La route était longue. Je dus m'arrêter plusieurs fois. Le souffle me manquait quand j'aperçus le toit que je souhaitais. Un nouvel effort me porta jusqu'aux vignes parmi lesquelles je m'engageais. J'atteignis le portail et pris l'allée. Je vis ma mère sous les arbres, je l'appelai et me jetai dans ses bras. Ce furent 3 jours de fièvre et de délire, où l'on craignit que mon cerveau ne résistât point et qui ne me laissèrent d'autre souvenir que celui d'un réveil apaisé dans le demi-jour d'une chambre où mon premier appel fit se lever ma mère. Les prix étaient donnés depuis la veille. On me montra sur la table le livre rouge et la couronne de papier vert que mon travail m'avait valu. Le collège fermait ses portes, ma mère m'embrassait avec tendresse, je me sentis délivré. Il n'y avait plus en moi que le bonheur de me retrouver à la grangère et le désir de m'étendre à l'ombre, tout seul et longtemps dans le jardin. Fin de la section 8.